En direct du Geekfest de Montréal, vous écoutez l'épisode 6 de la saison 2016-2017 de la soirée du podcast Faites du bruit le Geekfest! Pour ceux qui nous découvriraient pour la première fois aujourd'hui, cet après-midi, nous sommes à une émission de discussion sur le Canadien de Montréal et la Ligue nationale de hockey et on vous en parle avec passion et boisson et des feuilles qui tombent du plafond. Et de soupe chaude. Puis même si l'après-midi, ben des sujets chauds couverts par des gars chauds. C'est ça. L'alignement de départ pour le podcast de cet après-midi. Le numéro 21, Dave Thibodeau. Le numéro 24, Mart Vero. Le numéro 88, Alex Combe. Le numéro 98, Alex Galipo. Et le numéro 75, l'animateur, JF Combe. Yeah. Là, en ce moment, il y a 6 personnes dans la foule, ce qui est bien parce que c'est 3 fois notre auditoire de l'année passée. Fait que t'es quand même une bonne augmentation cette année. Là. Un petit peu plus que 6, c'est du monde en arrière qui sont gênés. Il y en a-tu qui sont là pour nous voir spécialement? Là? Je vois des gens avec des 3-4 personnes avec des chaînes de hockey, très cool. Okay, je veux juste voir qu'ils font des signes de nom avec leur tête. On est gâchés. On cherchait du pot. Cégep maison de... Ça se peut, ça se peut. On cherchait Pusher. Ah, mais on est dans le petit jardin intérieur, il y a sûrement un plan caché quelque part. Regarde là, c'est ça. Un plan secret. Fait que, étant donné qu'on est live, qu'on a juste 45 minutes aujourd'hui, on va faire un podcast un peu écouté. On écourté, on fera pas de période, de rien, on va juste parler du CH aujourd'hui. Puis ça tombe bien parce que là, on était sur un esti de ballon. Le Canadien était 9-0-1, des séries de victoires en ligne, ça va bien. Puis là, hier, qu'est-ce qui se passe? 10-0 contre les Blue Jackets. Mais c'est une crise de bonne game. Ah, mais ça, 10-0, c'est pas leur fiche, là. C'est non, non, c'est ça, là. Là on ça est aurait pu l'être. On est avec une fiche maintenant de 9-1-1. Beaucoup de gags qu'on pourrait faire sur est-ce que c'est le temps de paniquer? On n'embarquera pas là-dedans tout de suite. Il y en a un des échanges, qui panique, par exemple. Ah ouais, c'est ça. Là, c'est Internet, c'est carrément débile. Ah, c'est malade dans la tête. Mais le Canadien, c'est ça. Tu pars une fois, perds beaucoup, puis c'est la grosse panique générale. Mais je pense que la dégelée d'hier a fait tellement mal que le monde s'est comme remis en question. On est-tu si bon que ça? Mais tu sais, ça arrive là. C'est une couple de games qu'on était pas si bon que ça, mais on gagnait quand même. Ouais, c'est ça. T'es tout marché. Rien, t'es comme pas satisfait par tout, lui, de ce qu'il disait, dans le fond, là, des games précédentes. Tu fais un bout. Lui, comme il dit, il y a venir. Je me demande hier s'il était satisfait. Il avait été satisfait de Montoya en esti. Il avait juste Plekanec qui était satisfait parce qu'il a joué une game comme tout le temps. Avant qu'on embarque sur la défaite d'hier, on va faire nos plus et nos moins du début de la saison. Puis là, je vais vous demander d'oublier un peu là, la game d'hier. On va faire nos plus et nos moins de la série de 9-0-1 là, au début. Fait qu'on fait un petit tour de table pendant que Dave mange sa soupe là, sur le stage. Très bonne soupe aux légumes. Parfait pour les lendemains de brosse. Fait qu'on va passer par Alex. Ton plus du début de saison, du premier mois du CH. Moi, je vais le donner à Flynn, qui est le meilleur scoreur du Canadien. Pour vrai, tu donnes à Flynn? C'est Mitchell. Mitchell, excuse. Le meilleur scoreur du Canadien présentement. Fait que merci de te raviser. Hein? Merci de t'être ravisé. Soit-être, c'était joué. Flynn. Ouais, je sais. Fait que Mitchell, je mélange tout le temps les deux, même si c'est à la glace 32-17. Si je suis tout le temps mélangeant entre les deux. T'as mal les chiffres. Oui, fait que je le donne à lui, même si je suis mélangeant entre les deux. Alexandre, ton sans, plus? Sans aucun doute, le nouveau capitaine du Canadien, Shea Weber. C'est sûr, je le donne à lui parce qu'il a pris la place du capitaine. Un choix facile. Ça, c'est sûr. Mais je l'ai vu jouer, j'étais allé à la game samedi dernier, puis il prend tellement de place à la glace. Les gars veulent pas passer de son bord, c'est incroyable, il est gros. Il est pas juste gros physiquement, mais il prend de la place. T'sais, les gars, ils arrivent devant lui, ils font comme « OK, fuck that, si je la drop », puis on fait un les gars, ils arrivent devant lui, puis ils ont pas le goût d'y aller, puis il a vraiment pris la place du capitaine, puis... Tu parles de prendre la place du capitaine. Marc, t'as dit cette semaine qu'il y a Weber, il a fait faire des push-ups à Beaulieu pendant une pratique. C'est ce qui a été ça a été corroboré par plusieurs sources de Renaud Lavoie. Ça a été... Moi, j'avais entendu ça du tireur de joint à mallette, là, puis de son plâtrier, en fait. Puis c'est ça, apparemment qu'il a fait travailler... il essaie de casser le petit caractère de marde, apparemment. The Great. Fait que c'est ça, qui mange la marde. Fait que c'est quoi, à chaque fois qu'il manquait un slap shot au but, Weber en pratique faisait 5 push-ups. Puis Beaulieu faisait pas ça, puis Weber il a fait dire comme le gros. Qui a fait des push-ups de filles. Au bout de 3 fois qu'il a manqué le net, apparemment que Weber il dévisageait jusqu'à temps que Beaulieu croise son regard, puis quand il l'a regardé, il l'a pointé, puis il a fait comme gâteau, là, ouais, au père, puis il a fait des push-ups de filles. Puis il a fait vraiment des push-ups. Même ma blonde fait pas des push-ups de filles, quand même. Non, mais c'est correct, gars. S'il est rendu là, c'est à face, en esti. Avec des push-ups sur patin, il faut le faire pareil. Dave, ton Antoine Boucher, ton plus ben, de écoute, saison? Ben, moi aussi, ça va être... du début de saison, mon plus, ça va être Weber aussi, parce que il change la game, il change la mentalité de l'équipe, justement pour des raisons comme ça. T'sais, il va casser des caractères de cul, là, comme un gars comme Beaulieu. Ben, c'est sûr que c'est plus un leader. Il change, c'est un leader, c'est un naturel. Le gars, il est genre... Hey, il n'y a pas d'artifice. Là. Ben, hier aussi, là, dans la défaite, le rendu à 9-0, c'est un des seuls qui a montré un peu d'hargne après un coup de sifflet. C'est sûr que les gars, ils sont. Ben, il s'est choqué. Les gars sont en hostie, là, perdre de même. Là. Ben, là, puis quand il est arrivé au coup de sifflet, le gars qui a voulu brasser un peu, là, on va dire, il t'a le brassé, c'est un moyen temps. Ben, à la fin de la game. Si, ouais. Non, ça donnait plus rien. Ben, tu veux pas y tomber dans les pattes à lui. Là. Est-ce que le leadership de Weber est en train de faire peur au leadership, au non-leadership de Pacho pendant ce temps-là? Qu'on se rappelle que Pacho, c'est mou comme de la marde dans la chambre, puis ça c'est glace, ça, là. Ben, ouais. Moi, je pense que les deux, ils travaillent ensemble. Là. Ils doivent être vraiment proches un peu. Là. Ouais. Moi, je pense que oui, ils doivent se... Mais tout le monde dans la chambre le savent que le capitaine, c'est Weber. Ouais, ouais. Weber, oui, Weber le sait, Pacho le sait, mais Weber, il doit le backer. Si ça change pas pendant l'année, le leadership de Pacioretty, c'est sûr que l'année prochaine, ils vont donner ça à Weber. Mais ça s'est fait à San Jose avec Thornton. Ça s'est fait, mais c'est rare. C'est comme un désaveu, ça coûte cher. Il va se faire trader tant qu'elle fait enlever son joueur. Ça peut faire mal aux joueurs et tout. Ouais, là, à un moment donné, Chris, t'es pas un leader. Puis comme on a vu que finalement. Comme on a vu finalement qu'Ant Subban puis Pacho, celui qui est resté, c'est Pacho, ben ils vont peut-être trader Weber. OK. Marc, ton plus du début de saison, toi? Moi, mon plus, c'est... Anton Gutobin. Il est pas d'assiette. Non, moi, mon plus, je sais pas, Chris. Le plus... Tu sais jamais quand. Là, je vais... Ben, on le fait à chaque show, les plus et les moins. Chris, arrive préparé. Je peux pas mettre. Marc, c'est mon TDA. Marc, donne-les à Al Montoya. Il a prouvé qu'il était bon en esti hier. Il a prouvé qu'il était bon. Bonjour non, l'équipe. Non, non, mon plus, je sais qui je vais le donner. Je vais le donner à Bergevin, dans le fond. Parce qu'on tellement tant que j'étais dessus l'année passée, puis on attendait tellement. Finalement, il est. C'est juste Mallette qui chie. Non, puis tout. Non, moi, je suis rendu avec Pacho. Ouais, mais gars, mais il a fait. À date, ce qu'il a mis comme club, sa glace, c'est bon, aussi. Puis je suis pas mal satisfait. Surtout du rendement Radulov. J'ai pas mis Radulov encore mais dans mes plus, mais voilà. Plipton, ça fait un ben, je vais le donner à Radulov, moi, de bord le plus, vu que personne ne l'a nommé, juste parce que le gars de l'équipe qui joue avec le couteau entre les dents encore après 10-12 games, là... Mettons que, tu sais, quand on a un début de saison de même, là, c'est facile de donner des plus, là. C'est facile, puis c'est difficile ouais, de donner ben des joueurs qu'on pourrait nommer, là. Là, on va être même hier, Radulov, à un moment donné, tu voyais qu'il voulait travailler. C'est un des seuls joueurs qui travaillait pendant la game. Il se donne tout le temps. Il veut gagner. Il est là pour gagner, puis ça paraît. Fait que... Dave, tu fais du feedback avec ton micro. Ah, ben, ça, c'est pas ton micro pendant que tu fais ça. Fuck ta soupe, sti. Là, on va faire nos moins. Là, ça va être plus difficile. Puis on exclut la game d'hier. Fait que, Alex, ton moins du début de saison. Fuck. Pacioretty. Pacioretty? Pacioretty. Mou comme la merde? Mais lui puis Plekanec. Bon, ouais, il y en a plein, Carlis. Il y a des, notre ligne de centre, au complet, ça, à part Gatchinger. Ça doit brûler certains, tu sais, Plekanec, là. Ah, non, pour le reste, j'ai pas de honte à le dire. Je suis pas bandé Plekanec tout le temps, là, Carlis. À un moment donné, il y a des limites. T'es bonheur, ben rette. Non, pas autant que lui. Ton moins de bord, mais gars, il y a Pacioretty pour Plekanec. Je vais donner les gars. C'est sa grosse pénétration double, Plekanec. Il y a les enfants là-bas, là. Chut, ben, on l'avait dit que c'est 18 ans. Sorry. Ouais, c'est du temps plus pour ça qu'il y a. Allez mettre ça dans la valise du char, ces enfants-là. Alexandre, ton moins de début de saison. Ben, je vais aller en conséquence de ce que j'ai dit tantôt. J'ai dit que le nouveau capitaine, c'était Weber. Ben, je vais donner mon moins à l'ancien capitaine qui est Pacioretty aussi parce que. Asti, il est mou comme la marde. Pour de vrai, man, il est vraiment de la marde. Je pensais que t'allais nommer genre Gianto. C'est une vieille diarrhée. C'est mou comme la marde. Je veux pas le trader. Non, mais faut pas le trader. Faut pas trop le chier. J'aime juste pas comment il joue présentement. Ouais, mais c'est un bon joueur. Il est quand même dans nos meilleurs pointeurs de l'équipe. Tu sais, je le traderais pas. Il a pas l'air de jouer. Il travaille pas, genre. Présentement, il est pas dedans. La tête est pas là. Dave, mais j'aurais pu dire Beaulieu aussi. Parce qu'il est pas. Ouais, lui tout, il a des moi, je dirais Beaulieu juste parce qu'il est pas au niveau qu'on l'attend cette année pour les tu commences avec Weber. Puis tu en fais rétrogradé puis t'es même pas capable de revenir. C'est vrai, hein? Come on. Chris Gilbert, t'es meilleur que ça. Come on. Dave, fuck. J'ai pas le choix, man. Je vais être obligé de donner ça au laitier, à ce style. Le laitier, tu parles du gars qui manque deux dents, là. Qu'est-ce qui s'est passé avec les dents? Il a perdu deux dents, ça lui a pas donné de grit pantoute. Mais il y a Dédé et tout qui est de la merde. Il y a beaucoup. Hey, Chris, quand t'as le quatrième trio, c'est le meilleur trio, là. Il y a un problème en avant. Plekanec, ça me fait comme. On dirait qu'il me. il me fait chier. Là. Ah, mais il est bon, c'est mis en jeu. Focus dessus. Il est bon, c'est mis en jeu. Ben oui, mais tabarnak. Ben, c'est plus à bonne place. Il devrait être centre de 3. Ils disent, il est bon défensivement. Chris, ben, il est centre de 3. À Montréal, historiquement. C'est là que j'ai vu le gagner avec ça. Centre du troisième trio. À Montréal, historiquement, là, les gars qui sont bons aux mises en jeu, là, ça a tout le temps été des joueurs qui vont faire 85 points. Mais non, Asti, ça n'a pas arrêté. 55, 55. Marc, ton moins du début de saison. Bon, moi, c'est la game d'hier. T'as pas le droit de mettre un t'as mois pas sur le droit de dire ça. Je sais, c'est ça. Ça aurait été ma joke si j'avais parlé en premier. Ah, je reste me le dire. Ben non, gars, laisse faire. Là. C'est pas rodé. Je veux ton moins. Vrai moins. Un vrai moins. Ah, ben écoute, mon moins, là. Juste, je peux-tu le donner à Andrew Shaw? Ouais, tu as le droit, certain. Parce que Chris, moi, je suis un peu déçu de lui. Man, on le voit c'est pas. C'est vrai qu'on le voit pas tant. Le premier trio, là. Il nous coûte 5,5 millions. Il parle à Focal, Andrew Shaw. T'as raison. Pas supposé parler d'hier, mais hier, il était pourri, Shaw. Ah, il y a un article qui est sorti cette semaine, je pense que c'est sur RDS, je sais pas c'est qui a sorti ça, puis genre il parlait justement de Shaw, puis il disait que c'était genre... Je pense pour Mathias Brunet. Non, je me souviens pas c'était là-dessus. Puis il disait que c'était comme une belle surprise. Moi, je sais, il l'encensait. Il l'encensait. Moi, je vois pas ça. Il avait joué en pré-saison, mais après ça, en tant que saison, j'entends jamais son nom. Depuis qu'il a été suspendu, on dirait qu'il a perdu son guts. Ben, je pense qu'il a peur de se faire suspendre parce qu'il va être checké en tabarnak. En pré-saison, il était écœurant. Dès qu'on est arrivé en saison, il est dit... Après sa suspension, il est comme... C'est un bon choix, ça, Mart. Moi, je veux savoir... J'aimerais savoir, moi, de la part de la foule, là, est-ce que nos plus moins sont adéquats? On a-tu oublié quelque chose? Ou Tout le monde est unanime, les quatre personnes sont unanimes ici. C'est bon. Pendant qu'il y a un silence, on peut-tu demander Saint-Bière au bar? Saint-Bière au bar. Hey, le barman! Saint-Bière au bar. Saint-Bière au bar. Saint-Bière au bar. Saint-Bière. Cinq sabots. Saint-Bière au bar. Cinq bières. 5 sapporos. 5 bières, 5 dollars. 5 sapporos, s'il vous plaît. 5 sapporos. Ouais, merci, yes. C'est gentil. Excellent. On va donner excellent. Un bon tip. Fait qu'on va. C'est au lieu du 6 pouces, 5 dollars. Fait qu'on va faire un segue vers la grosse défaite d'hier, mais avant ça, j'aimerais juste qu'on parle de la foule au Centre Bell. Hey, il y a un petit tone ici, là, comme si on annonçait des légumes grises chez IGA, hein, pareil. Avec, Des tomates. Cette semaine, les légumes en spéciaux sont les champignons. Vous aurez des pamplemousses que vous trouvez dans la rangée A. Avez-vous vu cette semaine la 10e game, celle qu'on a gagnée, là, celle de mardi ou mercredi, en fait? Ah oui, la foule qui hue le Canadien quand on est une fiche de... On jouait comme des estis de pingouins! Non, mais je le sais, mais ça, êtes-vous d'accord? Êtes-vous pas d'accord? Est-ce que la foule est trop sévère? T'as peu. Et je me demande, la foule, huais-tu Beaulieu? Non, la foule, ils ont fait un beau jeu canadien puis ils sont mis à applaudir de façon ironique. Ouais, mais à un moment donné, là, Beaulieu... All right, merci beaucoup. Beaulieu, il a fait... On va payer ça après, peut-être. Beaulieu, il a fait un play douteux à un moment donné, puis j'ai l'impression que la foule a non, non, Beaulieu. C'est après la première période. Les fans ont hué parce qu'ils ont vraiment joué comme la merde. Mais là, c'était 45-20, les shots. C'était dégueulasse. Il n'y a personne qui jouait. Hey, merci, merci. Hey, celle de mercredi. Ah, mercredi, c'était genre 42-22. On l'a vu venir, la défaite d'hier, là. Parce que ce game-là, là, les 45 shots, contre c'était Price qui a tout fait. Mais Price, parce qu'il est tellement dominant. Mais Price, il a gagné ce game-là. Il jouait comme de la merde. Puis quand tu mets Montoya qui goal comme une passoire, mais ça donne... Ah, mais il n'y avait rien qui marchait en plus pour les Canucks. Même le but de Radula, c'était de la petite garbage. Là. Ouais. C'était... J'ai pas envie de but-là. Même lui, il était comme surpris. Il n'a même pas utilisé son stick. C'était écœurant, parce qu'après ça, tu voyais au banc... Muller qui essayait d'expliquer pourquoi il avait scoré. Lui, il était comme, OK, lui, il était pas content. Mais c'est ça, il était comme déçu, mais pour venir à la foule, j'ai scoré. Pour venir à la foule, oui, c'est une game de merde, puis le Canadien m'a joué, mais le Canadien va m'a jouer des fois. Est-ce que. C'est parce qu'à radio. Sont-tu trop sévères trop vite? Mais c'est parce qu'à radio, le monde, c'est ça qu'il disait. Moi, j'ai emmené ce sujet-là, puis je voulais qu'on en parle, parce qu'à radio, ces tribunes, c'était. OK, ben là, à cause que vous payez un billet de 200$, ça vous donne-tu le droit de huer le Canadien, même si on le fiche parfaite? Oui. Ben oui, là, ben, en partie. Ça pas ce que tu veux, mais c'est tu payes 200$, tu payes 15$, t'as bien fait de chialer si tu joues comme la merde. Les journalistes, ils essayaient de passer comme les fans au Sambel, c'est des épais. Ben non. Puis, ils n'auraient pas le droit de ben, toi, t'en penses quoi, toi? Le monde à Montréal, c'est du monde passionné. Moi, c'est pas à cause du prix. C'est que pour de vrai, je vois ça comme si. Mais c'est du monde passionné qui paye leur billet super cher, qui paye leur billet. Je m'en calisse. Dans mon salon, j'étais en calisse parce qu'ils jouaient pas bien. Puis, je veux dire, Chris, Michel Therrien peut dire, vas-tu faire comme. C'est correct, les gars, vous avez gagné 9 games. C'est correct, vous pouvez jouer comme ça. Je dis, Chris, on leur fait ça pour qu'il y ait un coup de pied dans le cul. Ben oui, on a le droit de rire, c'est ça le point. C'est ça. Ben, fait qu'on est tous d'accord. C'est tout le sujet passé. C'est juste les astuces radio, poubelle, le problème. Ben, moi, je pense que t'as le droit de montrer ton mécontentement. développement. Quand tu t'achantes sur un joueur, c'est de la un joueur comme dans le montrer ton on s'entend que la foule aussi, tu vas voir un spectacle en tant que tel, fait que tu peux chialer si le spectacle est mauvais. Mais c'est vrai que le prix des billets là, quand ils augmentent là, c'est toi qui payes, OK? C'est le consommateur, c'est le monde qui va voir le show pour payer les salaires des joueurs. Ils ont monté le prix des billets après une saison de merde l'année passée. Ça donne pas le droit. Quand ton livreur de lait là, il te charge la pinte là, ton livreur de lait. Ouais, mais moi, ça donne pas d'être en tabarnak, c'est encore livré du lait en pinte. Mais ça donne pas le droit par exemple de t'acharner sur un joueur hué pour un comme dans le cas de Brisebois, c'était ridicule. Je veux dire, oui, tu as le droit, oui, tu payes le salaire des joueurs, mais ça donne pas tout les droits. Ouais, mais le salaire des joueurs, c'est pas de la faute aux joueurs qui s'y donnent trop cher. Mais je veux dire, ça donne pas tous les droits. Par exemple, c'est vrai que des fois, la foule est stupide au Centre Bell. Ouais, mais man, c'est garde. Enlève-toi la tête dans le cul, hostie, puis patine, arrête de bouder. Mauvaise évaluation, c'était mauvais. À un moment donné, c'était l'acharnement. Fait qu'hier. À Brisebois, c'était l'enfer. Ouais, mais à un moment donné, c'était l'acharnement. C'était de l'acharnement jusqu'à temps que Guéné sorte. Mais hier, grosse défaite de 10-0 contre les Blue Jackets de Don Toretta, comme dirait Madette qui est pas là. Il y a eu une grosse controverse, entre gros guillemets, le fait de garder Don Montoya sur la glace toute la game. Qu'est-ce que vous en pensez autour de ça, de ne pas le sortir, Montoya? L'auriez-vous sorti, l'auriez-vous gardé, sachant que deux games en deux soirs? Honnêtement, je pensais pas sortir. Vous allez faire un tour de table, juste pour être sûr. Tour de table, parce que Alex, vas-y. OK, c'est bon. Excusez, c'est moi qui commence. Vas-y. Moi, je suis d'accord. Parle, Sti. Sur le coup, voilà. T'as le droit de parole, Sti. Vas-y. Là. Sur le coup, je n'étais pas d'accord, mais en y repensant, je suis d'accord de l'avoir laissé. C'est chien, mais c'est légal. C'est un peu de sa faute aussi. Mais non, parce qu'en même temps, c'est vrai. Je lisais aujourd'hui tous les articles de tous les maudits journalistes parce que oui, j'ai lu. Puis oui, il y a un message là-dedans voulant dire comme pourquoi je vous donnerais la chance d'avoir le meilleur goaler qui va corriger vos erreurs en arrière de vous autres. Quand que vous jouez comme de la merde, voici ce que vous avez de l'air quand Price n'est pas dans le net, puis que vous voulez pas faire un effort. Fait que ça, c'est le message, je pense, de Terrien. Voici ce que vous avez de l'air si Price n'est pas dans le net pour corriger vos erreurs. Fait que débrouillez-vous vous autres. Ça serait le message de mais Terrien. Mais c'est Terrien chiant pour Montoya. Derrière, c'est chouette, ça n'a pas de classe, man. Mais non, mais Chris, c'est une astide bonne leçon. Ça n'a pas de classe. Non, c'est une astide bonne leçon, man. Get your head out of your ass. Alexandre, d'abord. Moi, je l'aurais laissé là encore aussi. Parce que, ça donnait quoi? Parce que, ouais, c'est sûr que t'allais perdre ce game-là. Puis, deuxièmement, oui, Montoya a laissé passer des. Il était un petit peu passoir hier, mais. Ah, il était pas bon hier. Mais c'est pas de sa faute tant que ça si le Canadien a perdu. Parce qu'il jouait pas devant lui, là. Il y a eu des mêlées devant le filet. Il faisait fuck all. Les joueurs des Blue Jackets, c'était tout le temps dans ce lot. Tout le temps. Chris, il y avait des défenseurs qui étaient pas capables de. Si, je comprenais pas comment il y avait autant de joueurs autour du net. Puis, il y avait tout le sang, calice. C'est tout le temps des retours de lancer, puis des ci, puis des ça. Mais à un moment donné, Chris, faites le ménage avant le net, puis patinez, calice. Fait que d'enlever le goaler quand tu savais que t'avais une game demain, puis t'avais dit que Price était reposé. Ça, on n'aurait pas plus gagné la game, tu sais. Non. J'espère qu'il est allé voir Montoya et il dit je m'excuse, mon gars, mais tu vas en prendre une pour le team. C'est sûr que c'est pas contre toi. D'après moi, Montoya est allé le voir entre la 2 et la 3 et il a dit mais faut que tu t'en prennes une pour l'équipe. Là. Ouais, honnêtement, moi, je pensais après le troisième qu'il l'enlevait parce que Price a commencé à mettre ses gants, toute l'équipe. Il a préparé son casque. Toi, tu l'aurais enlevé, Dave? Moi, je l'aurais sorti à ce moment-là. Ouais, moi aussi. Quand j'ai vu qu'il sortait pas, honnêtement, là, t'sais, Gap Price, là, il est en santé, il va bien. Il est capable de gauler deux games en deux soirs. Ah, ouais, ouais. Puis il n'aurait même pas gaulé la game au complet, puis ça aurait été correct quand tout, même. C'est pas ça. Avec sauf la façon que les gars jouaient. Sauf que, ouais, c'est ça. Mais au point où t'es rendu, quand t'es rendu à 4-5 buts, t'auras beau enlever le goaler, ça changera absolument fuck all. Si ça avait été Price, là, il l'aurait changé. Ouais, parce que c'est goaler. Tu protèges ton numéro 1. Puis il l'aurait recrissé aujourd'hui dans les nets. Un numéro 2, c'est pas important. Ouais. Numéro 2, c'est plate, mais c'est pas important. Moi, j'ai l'impression, puis j'espère que c'est ça qui s'est passé, j'espère qu'il en a parlé avec Montoya. Ah ouais, moi aussi. Parce qu'il peut pas l'avoir laissé là. Hey, je t'ai dit, je pensais qu'à un moment donné, t'es pour lever ses bras dans les airs, Montoya. Comme ouais, comme mais ça, c'est nos souvenirs de jeunesse. Après la deuxième, je pensais qu'elle allait au banc, elle disait, moi, je regarde plus jamais ici de calice, puis ça en allait, là. Mario Tremblay all over again. Ils ont ri de ça après ça à TVA Sports. Ben, à RDS, ils ont demandé. RDS, ouais. Ils ont dit, hey, toi, t'aurais-tu enlevé ton goaler? Ils ont demandé ça à Tremblay. Calisse, qu'est-ce qu'il a dit? Tremblay a ri. Il est parti à rire. Ah, esti. Mais tu veux-tu vraiment envoyer Price? Il a sûrement ri en tournant sa bague de la Coupe Stanley. Tu veux-tu vraiment envoyer Price d'un net en troisième contre les Blue Jackets qui crash le net en malade? Je veux dire, là. C'est 8 à 0, Calisse. Moi, ce que j'ai pensé, c'est que dans le fond, là, Montoya, la seule affaire que je peux imaginer, là, c'est que Montoya a dit garde-moi des lunettes, je veux le faire. Puis qu'il en a parlé avec, c'est ce que j'ose espérer. Parce que faire ça un goaler, c'est chiant. Ah, c'est tabarnak. C'est la job la plus ingrate qu'il n'y a pas dans la Ligue nationale. Thierry l'a dit, c'était une décision d'équipe. Les coachs, ça, c'est ce qu'il dit. Oui, mais le capitaine, après ça, est allé dire que c'est la décision du coach, par contre. Ouais, mais Alex, Thierry va dire ça pour sauver sa face. Puis quand il l'a dit dans les médias, quand il l'a dit dans les médias après aux journalistes, Alex, il y avait un esti de malaise dans sa face, moi, j'ai trouvé. Ah, mais même, pour de rien, j'aurais sûrement pris la même décision. Puis Price était comme il faut. Price était prêt à sauter dans la mêlée. On l'a vu en Esti. Price, je m'en fous qu'est-ce qu'il décide. C'est moi le coach. Puis c'est pas rien que ça. Attends, coach, je m'en fous pour jouer. Non, mais t'as peur, Alex. Je veux juste tenir mon point. L'affaire, là, c'est que aussi, là, c'est que Price, il était prêt à le faire. Puis Price, là, avec le talent qu'il a, la puissance physique, il est capable d'en gauler deux en deux. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas changé. C'est pas changé. On s'entend quand on s'entend. Puis mon point de vue, c'est pas genre. Tu l'envoies là-dedans. Attends, Alex. Mon point de vue, là, c'est pas genre, on veut sauver la game. Puis on veut virer le momentum d'abord. On sait que c'était possible, c'était impossible. On sait que c'était impossible. Le but, c'était juste de sauver la face à Montoya. Protéger sa confiance, c'est pas ton goaler numéro un. C'est ça. Si ça avait été Price, on aurait tout le discours inverse. On parle d'un athlète sportif qui a une fierté. Moi, je suis d'accord avec toi pour les premiers buts. Mais si ça a été bien expliqué... À la fin, ça donnait plus rien. Si ça a été bien expliqué à Montoya, puis qu'on sait pas ce qui s'est passé, on spécule. Mais peut-être que Montoya... C'est ton deuxième goaler. Fait que là, la défaite d'hier arrive à... pas à point, mais il me semble qu'on était dû pour une défaite, puis on l'a eu solide d'un temps. C'est un reality check. Et puis, en panique ou c'est juste comme, OK, c'est bon. Je pense que le vrai test, moi, ça va être à soir, la game. On va perdre de façon misérable encore. Une défaite de même, tu bats-tu là-dessus. T'écroules là-dessus. Comment elle est passée? C'est quasiment mieux qu'on ait perdu 10-0. Moi, je suis content. Parce que les gars, à soir, s'ils sont prêts à soir à Montréal, là, ça va être inquiétant. Ils sont pas capables de gagner à soir. C'est pour ça. Mais peut-être un spectacle de la mort. Si travaille, c'est correct. Si mon cœur, puis tu restes. J'ai pas de caractère. Sauf que une défaite de 10-0, c'est vraiment une claque dans la face. Si tu perds 2-1, 24 heures après tu joues. Mais je pense qu'on avait besoin de 2-1, tu fais comme on a travaillé, on a quand même bien joué, on s'est fait battre genre d'un but, tu sais. Mais mercredi on gagne puis il méritait pas, fait que t'as pas travaillé. Non, arrête ça. Vous pensez Price il est là ce qui arrive, on a même pas besoin de jouer, mais Chris Carey Price c'est pas là, tu perds 10-0 les gars, faut patiner là. Vous pensez quoi de la décision du CH aujourd'hui de ne pas pratiquer et de ne pas parler aux journalistes du tout avant la game? Ils ont bien fait. De ne pas pratiquer non plus. Ouais, mais de toute façon, deux games en deux soirs. Ça donne quoi? Il y a souvent pas de pratique. Deux matchs en 24 heures, il n'y a pas de pratique. Non, ils ont bien fait. Puis pour de vrai, ça va juste rappeler la défaite. Ça a été comme si vous avez perdu 10-0 hier. Ouais, ça, c'est peut-être. Thierry aurait été arrogant comme il l'est quand le Canadien est. Bon, mais Chris, ils vont répéter juste la même affaire. Puis pendant toute la journée, ils ont juste. Ça ressemble étrangement au début de saison des autres saisons passées. Un gros début fort, une coupe de game pour 10 games après ça. Mais là, on n'est pas rendu là. Puis Weber, l'année passée, Price était Price à santé. Si on a Price toute l'année, tu sais qu'on a une bonne saison, pour de vrai, ça va nous avoir aidé en crise. Et si on a Price toute l'année, on va être en bon début de saison. Ah, mais j'ai vu Price j'allais au Sandbell la semaine passée, là. Price il est impressionnant. Ça va être facile de regarder l'exception de ce gars-là. C'est Alex Burrows ou l'éventuaire qui disait ça avec Alex. Laisse-moi parler. Hey, là, tu parles tout le temps. Toi, tu parles tout le temps. Non. C'est à chaque show qu'on est ensemble. À chaque show qu'on est ensemble, on se tient en face. Ta gueule. J'avais le sujet, je vous sifflerais ça direct là. Mais Alex, il est dans le gros déni, mon gars. Il se parle tout le temps, mais... J'allais vu, il a l'air de pas travailler, mais c'est parce qu'il est tellement efficace et gros devant son net. Il est technique. Il est technique au bout. La passe est même pas faite avant, puis il est déjà placé pour la réception de passe. Ah ouais, ça a l'air facile. Il est impressionnant, ce gars-là. J'ai jamais vu un goaler. Tu veux dire qu'il y a un bon positionnement. Hey, man. Ouais, je peux là, je t'interromps encore une fois. J'aimerais, Shooter! Messieurs, j'aimerais qu'on parle de Sergachev qui est redescendu. Il était-tu prêt ou il était pas prêt finalement? Il était pas prêt. J'avais raison tout le long. Tour de table, il avait dit 10 games. On a vu des belles choses. Il n'a même pas fait quand même. Je sais, mais. C'est même pas rendu à 10. Il n'a même pas fait 10 games. Je pense qu'il a goalé 3-4 games, hein? Il joue 3, puis on s'entend, il a joué 5 minutes. Là. Ah non, puis tu plus. Là. Ouais, pas bien plus, 6 minutes. 7, 12, 9. C'est correct qu'il leur descende parce que ce joueur-là, il va être un sacré bon défenseur. Faut qu'il joue. Juste pas que ça devienne un genre. Laisse d'instant, il apprend pas trop. Faut pas qu'il soit un autre jeune qu'on va brûler parce qu'on le voit comme le sauveur, puis après une saison, il est comme si de la main. Le kid, il a 18 ans. Faut le développer comme défenseur. Un défenseur de 18 ans, c'est rare, t'es NHL ready. S'il y aurait eu un autre Québécois, on aurait voulu le garder, mais là, c'est pas si grave que ça. Les fans auraient capoté si ça aurait été un Québécois. T'sais. On parle-tu aussi de notre quatrième trio de feu, qui est probablement le quatrième trio le meilleur de la NHL en ce moment, je pense? Ben oui, c'est le meilleur. Ouais. C'est pas normal. Dano, c'est notre futur plaquette. On a un bon duo, un quatrième dans le fond, là, avec Dano et Mitchell. Tout a été dit. Ben, un bon duo. Flynn. C'est tout le temps comme le troisième. C'est tout le temps comme des trips à trois. Le troisième. Le odd man out. Le gars qui est comme, je sais pas. Il est comme, je peux-tu prendre quelque chose, moi, ou faut que je regarde? Les deux lovers, puis celui qui est trop. Le gars qui se touche dans le coin de la pièce. Ils ont-tu annoncé les changements? Il va-tu avoir Carr en formation à soi? Je sais pas. Non, Carr a été redescendu. Ouais. Lui avec? Ouais. Today? Non, cette semaine, il a été redescendu. Mais non. De quoi ça? Daniel Carr est redescendu aussi. Il y a juste Wise Caps. Il l'a retourné, là. Ils l'avaient rappelé. Ah, j'ai pas vu ça. Il est encore là. C'est ma faute. Ils disent pas encore. Sergachev, s'il serait pas retourné, lui, à chaque game, là, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il s'est fait geler ça. Là, de ah oui, il est pas capable de se protéger et encore. C'est la fois qu'il faut qu'il apprenne. Il sait pas assez. Il y a pas à fraction de seconde. Dans des positions trop dangereuses. En match préparatoire, il était vraiment bon. Puis quand on dit contre Buffalo, when it was the real deal, ça a fait comme... Contre les Bruins. Quand tu joues contre l'équipe B, c'est ça. Tu joues contre des gars qui sont en préparation. Souvent, c'est même pas les joueurs qui vont jouer. C'est les gars des clubs écoles qui... On a vu là qu'il était pas prêt. Non, c'est ça. Hashtag, il est pas prêt. Il jouait contre des gars de club école, puis là, il s'en retourne contre des gars de club école. C'était Buffalo, là. T'es pas prêt à jouer à NHL, tu t'en vas pratiquer des games contre du monde. Au moins, il était dans l'environnement du Canadien. Mais de la quatrième ligne à la première, là, vous pensez quoi de notre première ligne en ce moment? La merde. Pacheco, David Desharnais, puis Shaw. C'est vraiment la première ligne? C'est pas la première. Pacheco qui a l'air de préférer jouer avec Desharnais qu'avec Shaw. Notre première ligne, c'est Galchenyuk, Radulov. Mais pourquoi c'est pas ça la vraie première ligne? C'est à Montréal, il n'y a pas vraiment de première ligne. C'est deux deuxièmes qui s'interchangent, dans le fond. C'est ça. À Montréal, mais pas ça des lignes. On n'a pas rien. Il n'a jamais aimé ça donner des chiffres à ces trios. On n'a jamais eu de premier centre. Le seul plus de latitude, genre pour nier. La seule ligne qui a un numéro, c'est A4. C'est ça. Les trois premières, c'est nébuleux. Ouais, mais les, pour le bottom six, notre grosse force. Pacheco qui dit que son centre préféré, c'est Desharnais. C'est sûr. Passez de ça, vous autres, qu'est-ce que ça dit? C'est pas son centre préféré, c'est Pacheco. Non, il a dit qu'il était vraiment content de jouer avec son centre préféré. Mais c'est un capitaine de merde. T'es capitaine, calice. Tu commences pas à dénigrer tes autres joueurs comme au profit d'un autre. Surtout pas Desharnais, sacrément, là. Il a dit mon préféré, c'est Desharnais, j'aime mieux jouer avec lui qu'avec Chucky. Tabarnak, ta gueule, t'es le capitaine. Ça, c'est un manque de leadership. Ben oui, ben ouais. Personne n'aime jouer avec Plecky, même. Ça. Avec une punition, elle joue avec Plecky. Ça démontre une chose, c'est que ce gars-là, il a pas ce qu'il faut pour être capitaine. Ah, Pacheco, il serait dû pour aller faire Compostelle, man. Il se fait voler le Thunder par Galchenyuk, puis il aime pas ça. Puis si seulement il faisait des points avec Desharnais, il en fait pas tant, là. Ouais, en fait tu dis que ta bitch préférée, c'est Desharnais, mais Chris produit quand t'es avec. Parce que ta bitch, elle va te passer le temps à porte. Hey, Pacheco, Galchenyuk, lui, il arrive pour au banc, là. T'as été au Centre Bell l'autre jour, là. Je pense que t'as manqué ça, là. Tu vois, t'as retourné au banc. Ouais, c'est ça. OK, ben, c'est ça, il est slow, hein, quand... Je le voyais vraiment slow. Non, mais il est slow pour vrai, quand il retourne au banc. Il est vache, man, Non, c'est pas... Mais Pacheco et tout. Pacheco. Je crache dans ce micro-là, man. Je changerai à mon mot après. On s'excuse pour les prochains podcasts qui s'en viennent. Il y a beaucoup de crachats sur le micro à Marc. Mec, avez-vous un chat? Hein? Avez-vous un chat? Y'a-tu un chat, ici? T'as des capucins. Moi, je checkais dans la foule au loin. Il y a quelqu'un qui a amené un chat. Non, il y a des capucins dans les arbres. Ça, c'est Andrew Shaw. C'est Andrew Shaw. Prochain sujet. Il en reste plus, les gars. Ça va dans le crowd, man. Avez-vous vu le fils à Ty Domi hier? Max Domi, colissé une volée à Ryan Kessler. Un uppercut de luxe. Son père, il en a montré un hostie des affaires. Les lumières ont fermé, mon gars. Kessler, après ça, il était plus capable de se lever. Il avait besoin d'un petit coup de main. Y a eu une commotion, vous pensez? Non, pas à ce point-là, mais il s'est fait solidement. Il a oublié c'était le fils de qui contre qui il se battait, lui-là. Qui avait des antécédents. Mais c'est le fun de voir qu'au moins le fils sait aussi se défendre que son père. Ah, il a la même shape, j'avais l'impression de voir son père, mais juste plus petit. Ramène des beaux souvenirs. Moi, je l'aimais tellement taille. Bon, fait que vous autres, les. D'après moi, Domi venait se shooter une petite shot d'insuline avant d'embarquer sur son chiffre. D'insuline? Ben non, mais. Non, il est diabétique. Ah ouais, oh, c'est lui, ça. Non, mais ça, on va se le dire, là, ça craint ton team, honestie. Quand ben tu vois la même chose. Quand tu shot dans l'insuline? Ouais, ça et tout. Oh, mais tu le mets en deux chiffres. Chez les Canadiens, justement, qui pourrait faire ça? Une shot à la gueule, là, même, pour réveiller ton équipe? Mais pour moi, je veux pas que personne fasse ça. Tu veux pas ou tu t'en vois pas? Non, j'en veux. OK, okay Sean, parce que selon Marc, c'est encore nécessaire. Là. Non, mais il y a Sean, non, mais Max Domi... Il y a Beaulieu qui se pète ta gueule tout le temps. Ouais, mais t'as peur, on s'entend que Max Domi, c'est un gars qui score, là. Ouais, ouais. C'est pas dans ses habitudes. Mais il est capable. Il voudrait jamais le faire. Hey, t'as-tu fait une différence de grosseur? On n'a pas le gars, c'est man, il est tout petit comparé à Kessler, man. Hey, Kessler, il s'attendait pas à ça. Non, Kessler, il a rien vu venir, man. Il a pas la tête, il a vu du feu, un point direct dans les yeux, man. Il s'est protégé. Il a même pas le temps de se protéger, man. Mais on a-tu besoin? Je te dirais que c'est pas nécessaire d'aller chercher un gars. Je suis d'accord, c'est pas nécessaire d'aller chercher un gars qui va faire que ça, parce qu'on en y a plus de place pour ça aujourd'hui, OK? Mais peut-être qu'un gars comme McCarron qui est capable d'en imposer un peu plus, puis au lieu d'aller flatter le dos du gars qui a crissé la tête dans la bande à Markov, là, ça, moi, c'est inacceptable. Mais si t'emmènes McCarron, faut que t'enlèves Mitchell. Ben, tu peux pas l'enlever Mitchell, c'est ton gars qui pose le plus. Non, parce que je mettrais... Honnêtement, je mettrais pas... ouais, tu peux pas enlever Dano. J'enlèverais Flynn, moi. Non, mais il joue pas à ce bord-là, McCarron. Ouais, mais... Hey, on s'en fout. C'est mais McCarron, il essaie de le groomer comme centre. Là. Ouais, mais il va commencer dans les nationales. Il sera pas centre, d'après moi, parce que... Tu peux pas, man. Il peut jouer à l'aile. Il va commencer à l'aile parce qu'il est pas prêt à jouer au centre. T'as besoin d'être rapide pour tes replis. Il faut que ce soit rapide dans les replis quand t'es centre. Il est pas prêt. Puis c'est qui le centre de la carte? Dano? Mitchell, ouais, ça change. Qu'est-ce qu'ils vont faire, mais qui trade là, soit le laitier ou l'autre, là, ils vont monter un, ils vont. Mais ça va être Dano. Dano va monter ça. Ouais, vas-y, Alexandre, une question. Moi, j'ai une question pour mes deux intolérants au lactose. Ouais, ouais. Non, c'est plus le lait d'amande, nous autres. Ouais, c'est ça, un petit lait de soya. Vas-y donc. Le lait de Sonia. J'aime ça, moi, ce lait. Plekanec, là, vous voulez vraiment qu'il parte, puis vous avez vos raisons. Il va partir. Non. Ouais, éventuellement. Pour l'année prochaine, il part à Vegas. Par qui tu le remplaces? C'est encore lisse, man. C'est-tu quoi, le remplacer, c'est quoi? C'est un beau problème. Dano. Comment? Le remplacer, là, c'est ce qu'on appelle un beau problème. Non, mais écoute, Alex, s'il part pour Vegas, qui risque probablement d'arriver. Il va partir, whatever, man. Okay. Mais c'est Dano, notre futur centre numéro 3. Au salaire qu'il fait. C'est fini, là. Ben, c'est ça. Tabarnak, esti, Alex. Je ne ris pas, là. Là, mais Karen va passer centre. Penses-tu vraiment que Dano va être notre centre numéro 3? Ben, on Dano groom, va remplacer Plekanec. Puis on fait quoi? Attends un peu, mais... Non. On va aller chercher un, man. Juste qu'on le prépare. On le prépare pour ça. Je ne sais pas qu'il est prêt. L'année prochaine, on a Desharnais à signer aussi, je pense. Hein? L'année prochaine, on a Desharnais à signer, je pense, c'est tout. Ah, ouais, mais lui, il est calé. Fait que là, t'as deux problèmes. On a besoin de vos centres. Là, je suis d'accord. Deux problèmes au centre. Desharnais, on peut-tu ne pas leur signer l'année prochaine? J'espère. Ouais, c'est cool. Oui, on peut ne pas leur signer. Si on ne leur signe pas et il manque un centre, qui est sur le trade block pour un échange pour aller chercher un gros centre? Trade block. Non, mais ça en prend un gars. Il faut faire quelque chose. Il manque quand même. Un gros centre. T'as pas de centre numéro 1 à Montréal encore, en ce moment. Un gros centre, c'est pas cher. Mais c'est lui, that's him. Un gros t'auras jamais la coupe à Montréal tant que t'auras pas un gros centre numéro 1. Je te le garantis, mon gars. Check, JF, un gros centre. Faut aller chercher ça par le repêchage, puis faut que tu scoutes, man. Non, dans le scout, dans le monde qui s'en vient, on n'a pas qui s'en viennent qui sont potentiels numéro 1 en ce moment. C'est ça le problème, c'est qu'aller chercher un centre numéro 1. Faut que tu le fasses, ton centre numéro 1. C'est vraiment notre faiblesse. Ça, là, pour la coupe, ça va. On va attendre de voir. Ça peut... On va arriver en mars. Si on est bien placé pour gagner la coupe, là, il va y avoir un échange d'un jeune pour pouvoir potentiellement avoir un top 6. Parce qu'il veut l'amener. Il va devoir gagner la coupe. Parce qu'il demande quelqu'un dans le top 6 pour gagner une coupe. Il faut que les planètes soient alignées en hostie. Il faut que ça va dépendre savoir, du... man. Ils sortent ces deux belles boules. Ça va dépendre du reste de la saison. Là. Je pense pas qu'on va voir ce qui va se passer. Bergevin, as-tu signé Plekanec pour le calisser comme. Mais qu'ils mettent des joueurs genre sur une liste là, pour, mettons, l'expansion. Là. Peut-être. Il a peut-être signé pour genre, comme sécuriser ça. Comme une place pour d'autres gars qui veulent assurément garder. Ouais. Ah, assurément. C'est pas en crise. Il est en fin de carrière, entre guillemets, à Montréal, lui-là, Plekanec. Parce qu'il présentement, il te sert plus. Ben non, c'est pas vrai. Ouais, il fait quand même on a fait, une on a joué 11 games. Non, je veux dire, il fait une partie du travail pendant la saison, je suis d'accord. Puis je vais pas faire de la shit sur Plekanec. Mais c'est pas un joueur de série. Il a jamais été un joueur de série. Puis c'est là qu'on a besoin de joueurs importants. Mais ça, on le dit à chaque année au podcast. De le décoller dans une équipe d'expansion, c'est une façon facile de dire bon, ben, je réussis peut-être à sécuriser d'autres postes que je veux m'assurer de garder avec le CR. Ouais, mais comme j'ai dit, tu as bien beau avoir besoin de joueurs de série, mais quand tu te rends en série, moi, c'est ça. On le dit à chaque année. Price était blessé. Non, non, je suis d'accord avec l'argument. On l'oublie parce que c'est un joueur qui permet de te rendre. À chaque année, on dit la même chose sur Plekky. Il est plus bon. Plekky t'avait en série, puis après ça, en série, oublie-le, il est pas là. Il veut pas être dans les coins. C'est quand même un joueur échangeable. Il a jamais été comme ça. Il sera pas plus de même en playoff. Je comprends, mais il est quand même. C'est quand même un. C'est un pion, man. Si tu pourrais l'échanger pour un autre pion. C'est clair, c'est clair. Je l'ai regardé cette année, Plekky, puis ça n'a pas l'air d'y tenter. Il a pas l'air de vouloir cette année, on dirait. Non, mais lui, Pacheco, pour avoir une ligne de sens, cette année, même Galchenyuk. Pacheco, pas juste lui. Là. Si, nos premiers trios font rien, man. C'est la quatrième. C'est justement nos anciens qui sont encore là. Ils n'ont pas l'air motivés, puis les nouveaux sont comme power motivés. Check Radu, check Weber. Il y a trois défenseurs sur six qui font un job. Ils ont un trio à l'avant qui fait un job. Ah, moi, là. Il y a Radulov. Moi, là, Plekanec, je regarde, là. Puis c'est comme quand j'entends quelqu'un, puis quelqu'un me dit, genre, hey, check mon pouf, zéro étoile dans les yeux, man. C'est ça ta comparaison. Avec le reniflement à la fin. Hey, pouf. Yeah. Hey, pouf. C'était ça ta référence? Ouais. Okay. Ouais. C'est bon. Mon analogie, genre, je ne trouve pas ces poufs. Je ne trouve pas ces poufs. Ramasse cochonnerie. Tu les poufs avec les petites baies dedans, là, tu sais. Des anal beads. Les gars, il nous reste un 7-8 minutes au podcast. J'aimerais qu'on fasse un tour de table. C'est là qu'on cale des bières. Je veux avoir vos prédictions pour ce qui s'en vient. Pour le reste de la saison. Vous pensez que le Canadien va faire quoi? Va réagir comment après la défaite de 10-0? Est-ce que la gang s'en vient? On va s'écraser sur le but? Alex, vas-y donc, commence donc. Moi, je pense que, en tout cas, j'espère qu'on va gagner ce soir, sinon ça va montrer vraiment une défaite très serrée. Ouais, une défaite serrée, mais au moins comment on travaille. Pour le reste de la saison, je pense qu'on va finir 3-4e dans notre section, tu sais, dans l'Est. Puis si Price est en santé, si Price n'est pas en santé, peut-être on va faire quand même les séries, mais. Mettons que tout le monde reste en santé, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Tout le monde est en santé, fuck. 3-4. Mais je vois juste Tampa, peut-être qu'il pourrait être en avant nous autres. Ah ouais? La parité, pas la parité, le wildcard. Ouais, la parité. Moi, je suis affreux ce stage. Ouais. Alexandre, vas-y. À soir, on gagne. Price est dans les nets. Puis tu peux pas. Tu arrives avec le couteau dans les dents. Comme Radu, tu le vois. Dans les dents, mais entre les dents. Parce que dans les dents, c'est pas mal. Yeah, le couteau, ça dépend. Ça peut t'en servir comme un cure-dent. C'est genre, ça, tu sais. Un astuce gros couteau, genre une machette. Là. On va finir troisième. On va finir troisième cette année. Fait qu'on va se rendre en playoff. Ouais, ouais, ouais. On finit troisième. Non, moi, je pas. Ben, regarde, là, on va. Tu sais, se fier sur la game d'hier, c'est un peu cave parce que je pense que le Canadien est une meilleure équipe que ce qu'ils nous ont montré hier, mais en même temps, justement, comme on en parlait tantôt, tu sais, ils ont démontré dans les dernières games que, tu sais, on est capable de jouer comme de la merde, comme notre capitaine, dans le fond, là, un peu. Puis d'être mou, puis de rien foutre. Mais là, faut mercredi, justement. Là, c'était dégueulasse. On a gagné, là. C'était on a gagné. On sentait que ça s'en venait, la défaite, là, après ce game-là. C'est Price qui a sauvé les meubles, là. C'était sauf que, moi, je suis plus optimiste, peut-être, que vous autres. Moi, je pense que le Canadien va finir au top de sa division. Un 2? D'après moi, ouais, man. Mais pas de vrai, moi, je dis 3. Je pense que, ouais, parce que. Je dis 3, mais je vois pas les deux équipes pourraient finir. Je vois pas qui, non. Mais pour l'instant, c'est juste son game. Là, on parle si Price est en santé tout le temps. Tant aussi longtemps que Price est en santé. Moi, je pense que le Canadien est bon pour finir, genre, premier, deuxième de la division. Puis, genre, on cherchera pas à faire le wild card, là. Fuck that, là. Mais non. Non, non, non. Mart? Quoi? Ben, ouais. Écoute, Martin, la même question que tout le monde. La prédiction pour le reste de la saison du CH. Vas-y comme tu le sais. Martin, regarde juste la barre. Mais non, c'était Pikachu là-bas. C'est pas un bar de lesbienne, ça? Je sais pas. C'est pareil que oui. Genre, comme des mascottes. Cosplay, genre. All right. On veut ta prédiction. Oh yes! Oh wait, OK. Non, ben, à soir, sérieusement, c'est un gros win, c'est sûr, parce que je pense pas que Weber va laisser aller ça, justement. Je pense que c'est là qu'on va avoir la grosse différence de leadership. Non, sérieusement. Leadership. Ça va aller en chambre, j'imagine. C'est de ça, puis c'est là qu'on va faut le voir. Faut que toute l'équipe se lève, pas un gars, man. Pour de vrai, si juste lui se lève. Mais son leadership. Non, son leadership d'ensemble, d'après moi, il va faire que le reste va se lever. Je pense que lui est capable de driver le monde là-dedans, puis de montrer, dire, hey, mais tabarnak, c'est pas vrai, on va perdre. Ça va être là, si ça arrive, si j'espère que ça sera en public, que ce soit lui qui a monté la chambre. Sérieusement, ça arrêterait le débat sous Ben Weber. Moi, je suis sûr que dans la chambre, il se lève plus que Pacho. C'est un gars de peu de mots. C'est un gars qui parle pas gros. On le voit. Anyway, quand il parle aux caméras, lui, il aime pas les compliments. Il est pas là pour sa barbe. Il est là pour jouer et gagner. Lui, il est là pour gagner. Ouais. C'est type d'attitude, c'est sa seule mission. Il est là pour faire sa job. D'après moi, ce soir, là, ça va chier des tacs. Puis à soir, il gagne, okay. Puis il remporte ça. Puis la position, je te dirais que c'est comme... Ben, dans scénario. Scénario. Bien serré. Mettons qu'on se fait planter encore. Ça va dépendre comment on se fait planter. Mettons qu'on se fait planter encore. Si on se fait planter à soir, là, Paturity répond plus aux médias. Sûrement, Nosti... Ils font. Ah non, par les règles à NHL, le Canadien doit mettre des joueurs. Il y a un genre de saignement du sillon, là, d'un... Mais ça serait pas bien toi, hein? Dave, t'as-tu dit qu'il était préfendu? Ouais, il est préfendu. Ouais. C'est comme... Il est déjà fendu. Il y a le préfendu. C'est comme un préfini du préfendu. Ouais, c'est ça. Mais toi, tu disais du... Tu voulais dire du fion. Il est fait en préfini, man, ce gars-là. Tu veux dire, il va saigner du fion? Les sillages? Le sillage. Le sillage. Je comprends pas qu'est-ce que tu dis. Moi, je vais être très, très optimiste pour le sillage. Je vais dire qu'on va finir premier dans l'Est. Excuse-moi, c'est un rayon. Le soleil. Si Price est en santé, on va finir dans les premiers. Un ou deux, j'ai l'impression. Hey, regarde, premier dans la Ligue. Dans la Ligue. Ouais, premier, ça coupe, esti. Ça va dépendre d'asseoir. Ça va dépendre. On va voir à soir si hier, c'est un excellent parcours ou si c'est ce qui va mettre... Le début sur la série de défaites du CH, comme d'habitude, la grosse gang sans des fêtes qui va venir. On espère que cette année, ils vont skipper. Pas tout de suite, on espère qu'ils vont skipper cette année. Ce serait le fun qu'ils brisent. Comme les Cubs ont brisé leur malédiction de 108 ans, on peut-tu comme briser la gang sans des fêtes? C'est Billy the Goat cette année, là. Fuck hey, on repasse un deuxième podcast, on parle de... On parle de baseball. Fait que les gars, il nous reste 2-3 minutes. Fait que je propose qu'on donne les positions du pouls de la soirée du podcast, voir comment on est mauvais par rapport au public. J'ai descendu en tabarnak, man. Vous avez fait vos trades du mois de novembre, tout le monde? J'ai fait mes trades. Avez-vous fait vos trades? Good! Le monde d'enfants a fait leur trade. T'as peu. T'as tradé qui? Toi, t'avais Jack Eichel. All right. Tout le monde qui avait Jack Eichel a fait leur trade. C'est un bon trade, ça. Tu te trompes pas, tu sais. Fait que, première position, Yannick Wissel. Deuxième position, Eve Thibault. Les filles, encore une fois, dominent le pool cette année. C'est le fun à voir. Troisième position, Alexandre Brisebois. Quatrième position, Nicolas Lamoureux. Et égalité en cinquième position, Jean-Michel Brière et Wolfgang Housseau. C'est un excellent nom, ça, Wolfgang Housseau. C'est son nom, j'espère. Pour ce qui est de nos positions à nous autres, on va regarder ça rapidement. Galipo Alex, t'es septième. Je suis pas loin. Ensuite, on a Alexandre Crombe, numéro 27. Dave Thibodeau, numéro 29. Puis là, ça descend. Mart Véro, numéro 39. Jeff Mallette, 41, qui n'est pas là ce soir. Et moi, en dernière position, 49e sur 70 quand même, ça bouge beaucoup. Quand on va sortir du site, on va faire comme dans Game of Thrones. Les filles dans le top 5, ça veut juste dire que les joueurs les plus cute, ils produisent en cristal. Ou les plus beaux noms, les noms qui fitaient le mieux. Moi, je pense que Caroline Langlois, qui me tient proche, je pense que c'est ton deuxième. Ouais. Il y en a combien? Elle était d'un top. Moi, je pense que c'est Mark qui s'est créé un nom avec sa blonde. Là, c'est tout moi qui a dit, genre, prends ceux-là, c'est ceux-là que j'aurais. Caroline Langlois est 10e. J'ai l'impression que Mark a influencé ses joueurs. Non, je pense que c'est son deuxième pool. Ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle a pris tous des choix deuxième meilleur pour pas avoir les mêmes que Mart. Parce que je voulais pas avoir le même pool que Mart. Ah, ça me fait mal quand elle le répète. C'est volatile, là, tout ça. Là. Début de saison, c'est volatile. Ça veut rien dire. Ça bouge vite en crise. On voit déjà une tendance. Man, le dernier puis le premier est vraiment un gap là, déjà en partant. Tu veux dire tendance, toi, là? Hein? Mais je veux dire, tendance que tu sois fini dans le bas de la cave. Puis moi, je suis dans le top 10. Ma bière est finie, Mikalis. Ce genre de tendance. Ben, la bière est finie aussi. Et le podcast est terminé. Fait qu'on vous invite à nous suivre tout au long de la saison. On va être diffusé un vendredi sur deux en direct de Facebook Live puis sur notre site, lasoireedupodcast.ca. On a un épisode vendredi qui s'en vient, puis après ça, c'est aux deux semaines. Oh. Ouais. Pour ceux qui peuvent. Hey, Jeff, t'as peur. Asti, on fait-tu comme Jean-Marc Parent, puis on défonce? On défonce-tu? Les gars, ça attend, là, ils sont pas contents. Je pense qu'on défonce. On flash les lumières aussi. Moi, je pense que si on défonce, on va se faire coter le mic. On défonce-tu comme Montréal? On défonce-tu comme Montréal s'est fait défoncer hier? Ça veut dire que ça va faire mal. Ish. Fait que je vous rappelle qu'on est tout le temps live sur notre Facebook. Fait que suivez le Facebook de la Soirée du Podcast. Sinon, Twitter, @soirée du podcast. Puis on se revoit vendredi prochain. À la prochaine, tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là.